C'est les petits bouts que le reptile ils avaient un bout de pouvoir aussi avec leur ma bouche. C'était la fête, je suis une heureuse pantoute. Les patatras, je ne me souviens plus. Je n'avais pas mis sur ta poitrine. Sur ta poitrine, je passais la nuit à mes nains.